j'ai vu les doux matins où l'oubli n'est presque pour rien. Quand je partais pour ne pas voir tant de chagrin, de peur de me décevoir. Je veux te mentir, je ne veux pas te dire. Je veux te pousser, je veux t'oublier. Si j'attends les doux moments, une caresse arrive, je t'en prie, va-t'en. Si je vois tes mains se poser sur moi, une caresse arrive, ce n'est pas pour moi. Je veux te mentir, je veux te cacher, je ne veux pas te dire, je veux te pousser. Oh, je t'en prie, va-t'en. Chagrin de peur de me décevoir. Je veux te mentir, je veux te cacher, je ne veux pas te dire, je veux te pousser. Oh, je t'en prie, va-t'en.